et même nos corps soient disposés. Touche-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous asseyons et nous accueillons l'homme de Dieu, apôtre Douglas. Nous l'accueillons. Dans le précieux nom de Jésus. Ah, tu as raison d'acclamer Dieu. On ne finit pas de l'acclamer. Mon cœur est dans la joie de me retrouver en ce jour dans ma famille, dans ma maison, même si c'est pour moi la toute première fois d'être ici à l'Arche de l'Alliance Goma. J'ai dit un grand merci au Seigneur pour sa grâce, l'opportunité. Et merci pour l'invitation. Merci au couple pastoral, Pasteur Eston, ainsi que son épouse, Maman Rosette, pour la confiance. Et merci à tout le corps pastoral de l'Église. Merci à tous les comités, notamment à la jeunesse, Frère Lionel. Et également merci à toute l'Église d'être là. Amen. Alors, je m'appelle Douglas Kiongeka. Je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Et je voulais aussi remercier mon père spirituel, qui est notre père aussi, à nous tous, le révérend Israël Sembe. Amen. Amen, amen. Alors, je suis marié, père de 3 enfants. Je vis à Paris, en France, où nous dirigeant l'extension de l'Arche de l'Alliance en France, qui se nomme Cep Résurrection, avec quelques extensions au Canada, Ottawa, en Côte d'Ivoire, à l'île Maurice. Et nous venons de commencer une nouvelle extension dans le nord de Paris. Et auteur de quelques livres, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'amener mes livres avec moi. Vous pouvez les retrouver sur Amazon. Et j'ai ici avec moi le CD de mon épouse qui vous salue. Elle s'appelle Lydie. Ah, tu n'acclames pas. Je suis marié à une seule femme. Une seule femme. Voilà. Elle m'a demandé de saluer toute l'Église. J'ai ici son album sur la grâce. Ta grâce me suffit, me sauve. Pour ceux qui le voudront, ça pourrait être disponible. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'un de mes guerriers, des soldats dans la foi, les responsables de l'intercession qui était venu de Paris jusqu'à Kinshasa et qui est arrivé tout à l'heure, nous rejoindre pour cette grande convention. Papa Jackie, son nom, qui je demandais de se lever, si on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Merci, merci. Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, oulala, qu'est-ce que ça va chauffer? Là, j'ai l'impression que tu ne crois pas parce que tu regardes aux apparences. Regarde-le, dis-lui, oulala, qu'est-ce que ça va chauffer. Non, tape-le dans la main comme ça, dis-lui, ça va chauffer. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous allons commencer, démarrer avec le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, ne manque pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne manque pas. Et demain, invite 2 personnes, minimum. Dis-lui, demain, invite 2 personnes minimum. Vous me donnerez raison à la fin. D'accord. Hallelujah. Donne-moi Sol. Et j'aimerais que tu m'accompagnes pendant la prédication. D'accord. Avec les sons string. Hallelujah. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Tout te rends combien, combien. Je compte sur toi, je t'appuie sur toi, je te sens. le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de grâce. Alléluia. Oh, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Bénissons la présence de ton esprit. Nous te confions ce temps, Seigneur, d'édification, de réveil, de changement, d'impactation. Que tu nous amènes, Seigneur, de la petitesse vers la grandeur. Ce temps du nouveau départ. Tu as quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous. Ne laisse personne passer à côté, ni moi-même, ni qui que ce soit, en nous sensibles à ta pensée. Ta volonté, Seigneur. Je te demande l'onction, Seigneur, pour proclamer ta parole avec force, puissance et vie, autorité. Je demande, Seigneur, l'inspiration qui vient de toi. Que rien de ma chair ne s'exprime. Que tout ce qui sortira de ma bouche soit inspiré de Dieu. Ainsi qu'il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, tu m'as mandaté et je demande que tu accompagnes ta parole par des signes, des miracles, des prodiges. Que le ciel soit ouvert en ce lieu et que ta volonté parfaite soit accomplie. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. Et dans tout ce qui se fera, tout ce que se dira, je te demande une chose. La gloire est rendue à Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui était, à celui qui est, à celui qui vient, à celui qui est assis sur le trône de gloire, qui n'a point de semblable. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 18, qui sera notre thème de base de cette grande convention. Notre grand thème, c'est entre les mains du divin potier. Et ce soir, je vais juste nous introduire et je nous parlerai juste du divin potier. Jérémie chapitre 18, le premier verset jusqu'au verset 6. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Le divin potier, tel est notre sous-thème. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons Dieu va s'adresser à son serviteur, le prophète Jérémie. Et Dieu va lui dire, tu dois descendre dans la maison du potier pour voir, mais aussi pour observer de manière attentive ce qui se passe. Parce que ce qui se passe là-bas a un rapport avec vous. Et ça a aussi un rapport avec mon plan et ma volonté, ce que je veux réaliser. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il envoie toujours sa parole. Dans Psaume, il est dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Dieu ne peut rien faire dans la vie d'un homme sans au préalable envoyer sa parole. Dieu prendra toujours appui sur sa parole pour accomplir, n'est-ce pas, son plan et sa volonté. Et ce Dieu dont nous parlons, qui est le divin potier, est tellement grand qu'il est difficile de comprendre, de cerner la manière dont il agit. Il est insondable. Et la Bible parle de lui comme étant un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu dont les pensées sont impénétrables et les voies sont insondables. Dans Ésaïe chapitre 55, si vous lisez avec moi, le verset 8 au verset 9, Dieu dit ceci par la bouche de Ésaïe. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Il dit, autant sont élevées les pensées au-dessus de la terre, les cieux, pardon, au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous imaginez, ce Dieu a des plans, des pensées. Il a des plans, il conçoit des choses, mais ici, on nous montre que sa conception des choses, sa vision des choses, ses pensées vont au-delà de notre compréhension. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, il se révèle. Et la raison pour laquelle on a besoin de comprendre quelles sont les pensées de Dieu. Et en comprenant ces pensées insondables, nous pouvons facilement comprendre son action, la manière dont il agit, ses voies, la manière dont Dieu opère, la manière dont Dieu travaille, la manière dont Dieu amène les choses à la manifestation. Et dans Romains 11, il est dit, on nous parle de ce Dieu qui est infiniment sage, qui est profondément intelligent, profondément riche, on nous dit que ses voies sont insondables et ses pensées ou encore ses jugements sont incompréhensibles. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je me suis posé la question pendant que je suis en train d'introduire notre message. Comment comprendre la manière dont Dieu agit? Si vous voulez comprendre la manière dont Dieu agit, comprenez d'abord la manière dont Dieu pense. Et souvent, il y a un conflit à ce niveau. Nous voulons que Dieu agisse comme nous pensons. Nous voulons que Dieu agisse comme nous avons une idée, des pensées. Et ça ne marche pas ainsi. Et pour entrer dans la dimension de Dieu, pour voir les choses que Dieu a réservées pour nous, il nous faut entrer dans les pensées de Dieu. Mais comment comprendre la pensée de Dieu? Sa pensée nous est révélée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous exprime la pensée de Dieu. La manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu réfléchit. La parole de Dieu est l'expression visible de la pensée de Dieu. Si tu veux savoir comment Dieu pense, afin de comprendre comment Dieu agit, tu dois d'abord comprendre ce qu'il dit dans sa parole. Et sa parole a pour but de nous communiquer le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, des fois, n'est pas facile à comprendre. Le langage de Dieu, des fois, est difficile à comprendre. Mais Dieu, dans sa sagesse, se positionne au niveau de chaque personne pour s'exprimer aux personnes. Donc, il a plusieurs manières de parler. La Bible nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent nous ne prenons point garde. Et il parle par des symbolismes. Dieu nous parle par des métaphores, par des paraboles. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions comprendre sa pensée. Et nous sommes ici dans un contexte bien précis où il va parler à son serviteur, le prophète Jérémie. Et Jérémie était un prophète, si je peux un peu me situer dans le contexte de la Bible. Il était un prophète qu'on appelait prophète de malheur, d'autres encore l'appelaient un prophète de lamentation. Et un prophète que Dieu avait suscité dans une époque où tout allait bien sur le plan physique, sur le plan matériel. Il y avait comme une forme de prospérité que le peuple était en train de vivre. Mais ce peuple, malheureusement, avait déjà abandonné Dieu. Ce peuple s'était déjà détourné de son Dieu, de son Créateur, que ce péché de la rébellion, de la révolte, avait déjà poussé Dieu à amener un jugement. Et quand Jérémie vient, il dira, je vous ai envoyé les prophètes depuis le matin, vous n'avez pas écouté. Je vous ai envoyé mes serviteurs, le prophète le soir, et vous n'avez pas écouté. Et Jérémie vient avec un message dur, un message qui va à contre-courant. Un message que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Laissez-moi vous dire, Dieu ne nous dit pas toujours des bonnes choses. Mais Dieu nous dit toujours ce qu'il nous faut pour que nous puissions avancer. Car il y a des paroles qui peuvent être dures, mais ce sont des paroles salutaires. Jésus, une fois, a parlé à ses disciples. Il dira, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et certains de ses disciples qui le suivaient, ils ont dit, non, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Ils étaient plus de 70, ils ont quitté Jésus. Jésus ne les a pas suivis, il n'a pas fait un suivi, parce qu'il savait que si vous voulez être dans la main du potier, n'attendez pas toujours que les choses soient faciles. Quelquefois les choses seront dures, mais Dieu vous amène quelque part. Et il se tourne vers les disciples, les 12, et leur dit, et vous, ne partez-vous pas? J'aime la réponse de Pierre, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie sont des fois des paroles dures, mais des paroles salutaires pour nous conduire à la vie. Et Jérémie avait ce message. Il disait, arrêtez de vous tromper dans des espérances trompeuses, de vous livrer plutôt à des espérances trompeuses en disant, c'est ici la maison de Dieu, alors que vos cœurs se sont éloignés de Dieu. Il dira, la maison de Dieu est devenue une caverne de voleurs, celle qui était autrefois la maison de prière. Il dira que ce peuple a abandonné Dieu pour se creuser de citernes crevassées. Il dira encore à ce peuple, la vérité a disparu au milieu de vous. Et pendant que Jérémie prophétisait, il y avait aussi des prophètes de malheur qui étaient là. Alors qu'il annonçait le cœur de Dieu, le conseil de Dieu, c'était le cœur de Dieu qui battait pour son peuple. Le vase que Dieu avait créé pour un but précis. Mais la parole de Dieu nous dira que plusieurs prophètes sont venus. Et ils ont dit le contraire et ils commençaient à détourner le cœur de ce peuple, de ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jérémie a persévéré dans un temps de turbulence, dans un temps d'agitation. Il n'est pas allé dans le sens de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller loin, n'entends pas le son de cloche de tout le monde. Entends ce que le ciel dit. Entends ce que Dieu a pour toi. Même si c'est difficile, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et Jérémie a annoncé que Babylone allait venir, la plus grande armée de l'époque, la plus grande puissance de l'époque, dirigée par Nebuchadnezzar, devait venir et détruire le peuple, détruire la ville, détruire les maisons, voire même le temple. Personne n'avait cru. Il est resté fidèle à sa parole. Il est resté fidèle à son message. Pourquoi est-ce que Babylone devait venir? Parce que le peuple avait péché. Parce que le peuple avait quitté la volonté de Dieu. Le peuple que l'Éternel avait créé pour publier ses louanges s'était détourné. Et si vous lisez dans Lévitique 26, Lévitique chapitre 26, la Bible nous parle de plusieurs châtiments que Dieu avait réservés pour toutes les personnes qui pêchent. Toutes les personnes qui vont loin de la face de Dieu. Le premier châtiment, c'était la détresse, l'angoisse. L'angoisse était un signe du jugement de Dieu. Deuxième signe, c'était la sécheresse. Troisième signe, la Bible nous parle de la cruauté des animaux féroces qui devaient venir et détruire les plantations, détruire les richesses, les bonnes choses que Dieu a données à son peuple. En parlant des serpents, en parlant des sauterelles. La quatrième, c'était les pestes, les maladies bizarres que Dieu allait envoyer pour corriger son peuple. C'était des signes de jugement de Dieu. Et le cinquième châtiment, c'était la famine. En d'autres termes, la crise économique. Et le sixième châtiment selon Lévitique, c'était l'exil. Et quand la Bible parle de l'exil, on nous parle d'un peuple qui allait quitter sa terre pour aller se retrouver dans un pays étranger, à Babylone, coupé de sa langue, de sa culture, coupé du temple, plus d'adoration, plus de louanges, plus de connaissance de Dieu. Le peuple était privé de la présence de Dieu. Et Jérémie, sachant que le peuple s'était détourné, que le jugement était imminent, il dit à son peuple, allez à Babylone. C'est Dieu qui permet que Nebuchadnezzar vienne pour que vous y allez. Mais les faux prophètes sont venus, ils disaient, non, restez, Dieu est avec vous. Ils prophétisent la paix quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Et ces faux prophètes sont partout. Dieu savait que le premier vase avait échoué. Dieu savait que la première maison s'était détournée de lui. Et Jérémie encourage son peuple. Et Dieu lui dit, descends dans cette maison. Descends dans la maison du potier. Et regarde ton voisin, dis-lui, descends dans la maison du potier. La maison du potier ici était un signe prophétique. La maison du potier représente d'abord le monde dans son ensemble, où Dieu est le créateur de toutes choses. Mais la maison du potier représente aussi le peuple de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu travaille. Dieu lui dit, descends dans la maison du potier. Et dans la maison du potier, tu as deux images qui vont te frapper. La première image que tu verras le potier en train de travailler. Ça, c'est la première image. Ce potier-là qui était l'image de Dieu lui-même. Et la deuxième image que tu verras, ça sera l'argile qui sera entre ses mains. Et le potier va donner la forme au premier vase. Le premier vase ne va pas réussir. Il va échouer littéralement. Mais il va prendre la même masse. Il ne change pas d'argile. Il prend la même masse pour façonner un deuxième vase. Et ce deuxième vase va réussir. Et prophétiquement, je viens annoncer à quelqu'un que ces choses qui ont été des échecs hier, entre les mains du divin potier, à partir d'aujourd'hui, ces choses vont réussir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Les choses qui n'ont pas été hier, entre les mains du divin potier, ces choses vont réussir. Je suis venu dire à quelqu'un, ne perds pas courage, ne désespère pas, ne dis pas que c'est fini, ne dis pas que c'est fini, ne dis pas que c'est trop tard. Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Il dit au verset 6 de Jérémie 18, « Ne puis-je pas agir envers vous ?» Voici le message que Jérémie devait comprendre et dire à son peuple, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël ?» Dit l'Éternel, « Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous l'êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ici nous devons comprendre que l'argile était non seulement dans la maison du potier, mais l'argile devait aussi être dans la main du potier. Car il y a des gens qui viennent dans la maison du potier sans être dans les mains du potier. C'est pourquoi nous ne comprenons pas. Ils viennent programme après programme, séminaire après séminaire, pas de changement. Le problème c'est que tu es dans la maison du potier, mais tu n'es pas entre les mains du potier. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Le temps arrive où tu dois te placer entre les mains du divin potier. Parce que quand Dieu prend ta vie en charge, ta vie ne restera plus jamais la même. Oh, je disais à quelqu'un, ta vie ne restera plus jamais la même. Regardez-moi, je vous donnerai mon témoignage d'où je viens et où je suis. Et surtout où je vais, ce n'est pas du tout la même chose. Le Dieu n'a pas changé. Ce Dieu ne fait exception de personne. Ce Dieu ne fait pas de favoritisme. Viens entre les mains du potier. Dis à ton voisin, viens entre les mains du potier. Il est dans la maison du potier. Mais il n'est pas forcément dans la main ou dans les mains du potier. Il est possible d'être dans un environnement où on peut changer et ne pas changer. Il est possible d'écouter la même parole. Du reste, Hébreux nous dit quoi? La même parole qui nous a été annoncée dans la vie de certains n'a pas trouvé et n'a pas eu des effets. Pourquoi? Elle ne trouve pas la foi en eux. C'est la même parole qui peut changer les uns, mais d'autres ne changent pas. Mais le temps du changement est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Je dis le temps du changement est arrivé. Pourquoi? Parce que nous nous plaçons entre les mains de celui qui change toutes choses. Oh, j'aime cette chanson qui dit, il change toutes choses. Il change toutes choses. Et avec toi je veux. Alléluia. Oh, les choses ne resteront plus les mêmes. Il change. Il change toutes choses. Oui. Il change toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Le temps où tu as stagné avancer est fini. Le temps où tu étais assis est fini. Je te déclare que le temps d'avancer, le temps où tu vas aller dans une autre dimension arrive. Le temps où tu vas percer arrive. Le temps où tu vas toucher des choses que tu entendais. Oh, comme je m'ai dit, mon oreille avait entendu parler de ces choses. Mais maintenant, dans le passé, tu as entendu. Mais maintenant, oh, je dis à quelqu'un, entre les mains du potier, hier tu as entendu. Tu as entendu les témoignages de l'autre. Mais aujourd'hui, entre les mains du potier, les choses vont changer. Oh, est-ce que je peux parler à un arçois? Est-ce que je peux parler à une arçoise? Je disais, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Il change. Rien n'est impossible à lui. Oh, je l'aime. Je l'aime. Au fait, ton problème, c'est que tu regardes trop les hommes. Oh, je n'ai personne pour m'aider. Regardez le jour où Jésus est venu devant le paralytique. Cet homme était paralytique. L'âge du paralytique était plus âgé que Jésus. Il était paralytique depuis 38 ans. Sa maladie était plus âgée que Jésus. Et dans la piscine de Bethesda, il fallait qu'il y ait un mouvement, qu'un ange descende du ciel pour agiter l'eau. Et le premier qui allait, c'était guéri. Et quand Jésus vient, il lui dit, veux-tu être guéri? Le problème, on t'adresse la parole. Mais toi, la réponse est, je n'ai personne. Je n'ai personne. Le problème, ce n'est pas d'avoir personne. Je n'ai pas de famille. Je suis orphelin. Je n'ai pas de contact. Je n'ai personne en Amérique. Je n'ai personne. C'est ça ton problème. Ton problème, tu penses que le changement vient de l'extérieur. Non, je suis venu dire à quelqu'un, le changement ne vient pas de l'extérieur. Le changement vient de Dieu. Regardez. Ce que le paralytique a oublié, c'est que les anges sont les serviteurs de Dieu au service de l'homme. C'est-à-dire, le responsable, le chef des anges était derrière, mais lui regarde aux anges. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, l'état arrive, tu dois ouvrir tes yeux, parce que le chef est là. Aïe, ramachaka, le chef est là. Hey, il change toutes choses. C'est pourquoi j'aimerais déjà te rassurer aujourd'hui. Tu es entre les bonnes mains. Oh, quand tu viens à Dieu, tu es entre les bonnes mains. Quand tu viens à Dieu, tu es entre les mains de celui dont l'impossible est impossible. L'impossible est possible pour l'homme, mais l'impossible est impossible à Dieu, car rien, rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu dit que tu vas faire, tu le feras. Quand Dieu dit que tu seras, tu le seras. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, je vois quelqu'un devenir grand. Je vois quelqu'un aller dans une dimension élevée. Je vois quelqu'un. Tiens encore le divin potier. Non, dis-le avec assurance. J'aimerais que tu parles. Entre les mains de qui tu es. Oh, mon oncle, ma tante, ma tante Thérèse. Non, tu n'as plus besoin d'eux. Oh, non, tu n'as pas besoin de ça. Non. Tout don parfait et toute grâce excellente ne viennent pas des États-Unis, ne viennent pas d'Israël, mais ne viennent du ciel. Oh, j'aimerais parler du divin potier qui est la source. Ah, je suis venu te dire, il est ta source. Est-ce que quelqu'un croit ici? Le divin potier est ta source. Le divin potier est ta source. Le divin potier est ta source. Même si tu n'as personne, tu es Dieu. Tu es Dieu. J'ai Dieu. Et les choses vont changer. Alors, parlons un peu de ce divin potier. C'est la première image que Jérémie voit. Et ce qu'est un potier? Un potier, c'est celui, c'est une personne qui fabrique ou qui vend des poteries. Un potier, c'est une personne qui fabrique ou qui vend des poteries. Dans la poterie, nous voyons des vases, des objets d'art. Et c'est un mot qui vient de l'hébreu péchar et du grec kérameus. Péchar et kérameus nous parlent au fait d'un maître d'ouvrage. Donc le potier est le maître de l'ouvrage. Et l'ouvrage, c'est l'argile. De qui, ou je dirais de quoi, c'est d'où proviennent les vases. Et le potier, c'est le maître. Et quand on parle de maître, on voit une personne qui exerce une volonté souveraine sur ce qu'il possède. Il exerce une volonté souveraine sur ce qu'il contrôle. Quand vous êtes au volant, c'est vous le maître du véhicule parce que vous contrôlez le véhicule par le volant. Et Dieu est le maître, c'est lui le potier. Et il agit aussi comme il le veut, comme bon le semble. Il agit à sa guise. Et dans cette image, le potier représente Dieu. Le potier ici représente Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons le divin potier. Et dans ce texte, nous voyons comment est-ce que... On voit déjà qui est ce potier. Ça, c'est la première chose que nous voyons. La deuxième chose que nous voyons comment est-ce que le potier travaille. Quel est son mode de fonctionnement. Quelles sont ses motivations. Quelle est sa rigueur lorsqu'il est en train de travailler. Et la Bible nous présente aussi sa discipline. C'est-à-dire, personne ne peut lui dire des choses. Il est discipliné. Il est sérieux. Et on nous voit aussi son but, sa finalité. Dieu a tout fait pour un but. Il ne fait jamais les choses au hasard. Et si tu dois être l'argile entre les mains du potier, sache que Dieu a un but pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et dans l'image du potier, nous pouvons retenir quatre vérités principales. La première vérité, nous voyons que le potier a une vision. Le potier a une vision. Le potier a un rêve sur l'argile. Il a déjà une révélation, ce qu'il veut faire. Et c'est déjà conçu dans sa tête. Deuxième chose que nous voyons, le potier fait le choix de l'argile. Il fait le choix, car il ne t'utilisera pas ou il ne fera pas de choses dans ta vie à l'état brut. Non. Troisième chose, le potier va transformer l'argile. Il va y avoir comme une métamorphose. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième de choses que nous voyons, le potier va donner une forme à l'argile. Ça, c'est la fidélité. Et en tant que Dieu, Dieu en tant que divin potier, il a une vision pour chacun d'entre nous. Lorsque nous venons entre ses mains, c'est la raison pour laquelle, comme le pasteur le disait tout à l'heure, beaucoup ont été entre les mains du potier du monde, du potier de la religion, du potier de la télévision, du potier des traditions familiales, des coutumes. Et ces choses ne peuvent pas marcher avec le plan et la vision de Dieu. Tu dois d'abord venir à lui. Tu dois t'abandonner entre ses mains. Et avant même que le potier n'aille chercher et trouver l'argile, le potier a une vision. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a une vision pour toi. Dieu a un projet pour toi. Oui, ça j'aimerais dire à quelqu'un, parce que souvent nous avons du mal à croire en cela. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Dieu s'assoit et il rêve. Dieu a un projet, Dieu a un plan d'action pour chacun d'entre nous. Et le plan de Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, nous connaissons la parole de Dieu, nous dit, Dieu dit, je connais, car moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour sur vous. Projet de paix et non de malheur. Laisse-moi te dire, le projet de Dieu ne dépend pas de ta tante, de ton père, de ta mère, de quelconque sorcier. Et ils ont eu peut-être le projet de te tuer cette année, mais Dieu a le projet que tu vives longtemps et que tu ailles très loin. Tu n'as pas bien compris. Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan de Dieu, oh, j'aime Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur. Le plan de Dieu, c'est le plan de paix. La paix, c'est le shalom, la prospérité. Le plan de Dieu, c'est le plan d'excellence. Je vois quelqu'un rentrer dans l'excellence. L'excellence est un état d'esprit. C'est quand tu rentres dans le plan de Dieu, tu te dis non, Dieu est excellent. Je ne peux qu'en tant que son fils, sa fille, devenir excellent. Tel il est, tel aussi nous devons être. Le plan d'excellence. Et quand Dieu forme le plan de Dieu vise deux choses. La première des choses, le plan de Dieu vise sa propre gloire. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, il est content de toi-même. Parce que tu es dans son plan. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fera pas des choses pour plaire à ta convoitise. Dieu fera des choses pour plaire à son cœur. Quand Dieu regarde la terre, il regarde tout ce qu'il a créé. Dieu lui-même dit, ce fut très bon. Le constat vient de Dieu, pas des hommes. Dieu dit c'est bon, oh, et c'est très bon. Je suis venu te dire, le plan de Dieu qui va se réaliser dans ta vie, c'est un plan bon, mais aussi un plan très bon. Et le plan de Dieu vise aussi ton bien-être. Dieu ne peut pas concevoir un plan pour que tu sois dans le malheur. Oh non, la maladie là, c'est ma croix. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas la croix. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade ici, le Seigneur va te toucher, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va agir dans ta vie parce qu'il veut ton bien-être. Il dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable et faisant du bien aux gens. Oh, si hier on t'a fait du mal par des mauvaises paroles, par la trahison, par la déception, Jésus vient pour te donner un plan nouveau. Jésus vient pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus vient pour te donner un bien-être. Tout en toi sera dans la joie. Des fois, ton corps n'a pas envie d'être dans la joie, mais ton esprit tressaille. Le divin potier est le sage architecte de ta vie. Il sait faire chaque chose au bon moment. Mettre chaque chose à sa place. Vous construisez un temple comme celui-ci, vous n'avez pas d'architecte, les choses vont s'écrouler. Et c'est l'architecte qui va dire à l'électricien, tu agis de telle manière. Au maçon, vous agissez de telle manière. Mais lui, il est le sage architecte. C'est-à-dire, quand on verra même plus loin, dans les jours qui viennent, comment même il fait concourir les circonstances, tu vas voir qu'au début, ça peut paraître mauvais, mais à la fin, c'est toujours bon. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Même tes ennemis qui te combattent, Dieu dit, au fait, ils ne te combattent pas. Ils sont ton escalier. Il dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc quand tu as tes ennemis, ne prie pas pour leur mort. À chaque fois qu'ils te combattent, en réalité tu es en train de te lever. Ah, il dresse une table en face de mes adversaires et il ouindouille ma tête et ma coupe. Je ne l'ai pas entendu. Et ma coupe. Je ne l'ai pas entendu. Et ma coupe. J'envoie le feu sur mes ennemis, qu'ils meurent, mais qui va t'acclamer? C'est les gens qui ont vu Paul être mordu par la vipère. Ils ont mal parlé, mais il faut attendre encore un peu de temps. C'est les mêmes personnes qui ont changé de langage. Ils ont dit non, c'est un Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, les mêmes qui te combattent, ce sont les mêmes qui vont changer. Ah, ils changeront de langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ils vont changer de... Entre les mains, dis encore, je suis entre les mains du divin potier. Non, confesse-le, dis, je suis entre les mains du divin potier. Le divin potier n'a pas peur de se salir les mains. Il n'utilise pas les gants. Parce qu'il faut un contact entre ses mains et l'argile. Oh, je te dis, il n'y aura pas d'obstacle entre les mains de Dieu et toi. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin du toucher de Dieu. Tu vas rentrer en contact avec Dieu. Il va y avoir une communication, une transmission de lui vers toi. Parce que c'est lui qui a le plan pour toi. Donc toi, tu ne connais pas le plan. Tu dis, je m'attends à ton plan. Donc laisse-le te toucher. Laisse-le te façonner. Laisse-le te modeler. Laisse-le te tailler. Laisse-le te briser. Laisse-le. Il est en train de te toucher. Oh, j'aime quand Dieu touche. Qui t'a touché? Il y a des hommes qui t'ont touché. Maintenant, c'est le temps où Dieu va te toucher. Oh, dans cette conférence, Dieu va toucher quelqu'un. Je disais, Dieu va toucher quelqu'un. Autre chose que nous voyons, le divin potier est créatif. il est innovateur. En d'autres termes, il fabrique selon les nouvelles idées qu'il a. Et aussi en d'autres termes, il n'est jamais en cours d'idées. Si les hommes peuvent continuer à fabriquer, et Dieu. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de micro, aujourd'hui il y a des micros. Au temps de Jésus, il n'y a pas d'avion, aujourd'hui il y a des avions. Et Dieu. Ah, je n'entends pas la main de quelqu'un. J'ai dit, tu vas rentrer dans l'innovation de Dieu. Oh, j'aime quand Dieu réfléchit sur toi. Oh, j'aime quand Dieu conçoit des plans pour toi. Oh, j'aime quand Dieu est en train de dessiner un plan. Oh, tu es dans les laboratoires. Il est là assis, en train de dessiner. L'architecte est le constructeur de toutes choses. C'est Dieu. Il est innovateur. Donc, même si hier ça a échoué, tu te demandes comment est-ce que ça va se passer. C'est ça notre problème. Comment j'ai perdu ma notoriété, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu ceci. Comment? Alors que Marie se posait la question, comment cela se fera-t-il? Lui dit, le Saint-Esprit, Dieu viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ton problème, ce n'est pas le comment. Ton problème reste entre ses mains. Voilà ce qui nous dit, comment ça va arriver? Comment? Ce n'est pas ton problème. Il a les idées. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, il va te faire du bien. Oh, je vais te dire de la part de Dieu, il a beaucoup de stratégies pour aboutir à de meilleurs résultats. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, il a tellement un rêve pour toi. Oh, jeune homme, jeune femme, il a un rêve déjà pour ton futur mariage. Ah, il a déjà un rêve pour ton futur voyage. Il a un rêve pour tes futures affaires. Il a un rêve pour ton futur ministère. Pour tout ce dont tu veux, il a un rêve. Oh, j'aime quand tu as un rêve. Je n'aurais jamais cru 20 ans passés que je serais ce que j'étais aujourd'hui. J'ai vu mes aînés me prêcher la parole de Dieu. Je les ai vus me prêcher la parole de Dieu. Et j'ai cru dans ce qu'ils ont dit. Et me voici aujourd'hui. Bien aimé, peu importe le temps, le résultat sera certain. Oh, je peux dire à quelqu'un, peu importe le temps que ça prendra, le résultat sera certain. Le résultat sera certain. Car il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible que Dieu n'aboutisse pas. Ça, c'est le divin potier. Il agit. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 43, 13, il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Même si le diable était multidiable. Du reste, le diable travaille pour Dieu, mais sans salaire. S'il savait qu'il travaillait pour Dieu sans salaire, il n'allait jamais attaquer Job. Dieu cherchait un moyen pour élever Job, pour amener Job dans la double dimension, pour donner un nouveau départ à Job. Dieu dit, bon, Satan, touche-le. Touche à tout, mais sauf à sa vie. Il peut tout prendre, mais il ne prendra jamais la vie qui est en toi. Jésus qui est en toi. Ah, c'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et le dernier, il se levera. Même quand tout va s'écrouler, tu es là, tout est fini. Tu as tout perdu. Perdu le travail, perdu la santé, perdu la famille, perdu la maison. Tu as tout perdu. Mais si tu n'as pas perdu Jésus, j'aimerais te dire, tout va repousser. Ah, si tu n'as pas perdu Jésus, tout va repousser. Il a de nouvelles idées. C'est pourquoi on ne t'oppose pas à lui. Dans Jérémie 9, verset 20 à 21, il est dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? » Le problème, c'est que quand tu regardes les autres, tu les envies. Peut-être tu m'as vu, tu dis, « Ah, vraiment, lui, il est bien, il vient de loin. » Non, frère, pourquoi tu m'envies? Pourquoi? Nous sommes tous entre ses mains. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Il a un plan. Et son plan est toujours merveilleux. Il va continuer de nouvelles créations. Oh, c'est un Dieu de nouvelles créations. Il dit, je ferai en vous, dans les jours qui viennent, une chose nouvelle que personne ne croirait si on la racontait. C'est les choses qui vont arriver, tu n'as jamais vu. D'ailleurs, il dit quoi à Pierre? À Paul. Il dit à Paul, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, Mais dans la pensée de Dieu, dans le rêve de Dieu, dans la vision de Dieu, ces choses existent. Et il a réservé pour toi. Il a préparé pour toi. Oh. Et c'est pour dire que tu n'es pas une copie conforme de quelqu'un. Tu es l'original de toi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans des compétitions. Quand tu comprends qui tu es, ton identité, oh, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Non. Dieu est un Dieu qui ne fait pas les mêmes vases identiques. C'est un Dieu de diversité. Mais dans la diversité, il y a sa gloire. Alléluia. Tu es original. Tu n'es pas copié-collé. Du reste, si tu es un moniato ici, aujourd'hui, on va te délivrer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es origigi ou tu es moniato. Origigi, c'est original en ivoirien. Dis-lui, tu es origigi ou tu es moniato. Nous refusons les habits faits en Guangzhou. Nous voulons l'original d'Italie. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, l'original vient du ciel. La copie va passer. C'est pourquoi le premier vase était une copie. Bon, tu vas comprendre. Le premier vase était une copie. Tu es identique. Tu as en toi ce qu'on appelle l'ADN. Dis avec moi l'ADN. C'est un mot d'ailleurs compliqué. D'ailleurs, j'ai dû noter ça pour ne pas oublier. Acide désoxyribonucléique. Ah! Et chaque homme a un ADN spécifique qui lui est propre. Même les ancêtres qui sont morts depuis, aucun des hommes n'a deux ADN identiques. C'est pourquoi si on veut retrouver les criminels, on recherche les traces avec les ADN. Et c'est pour dire que tu es unique. En toi, il y a un code génétique unique. Et dans ton ADN, il se trouve la couleur de tes yeux, la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, ta taille, ta morphologie, tout ça c'est dans l'ADN. L'ADN c'est la signature de Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, parce que c'est le potier, quand il t'a façonné, il a mis marque déposée, l'ADN, la signature de Dieu. C'est-à-dire personne ne peut te copier. Et tu as en toi les empreintes digitales qui te sont propres. C'est pourquoi ne cherche pas à copier les autres. David a compris cela, il dit, Seigneur, je te loue de tes dents parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Ce n'est pas l'autre, mais c'est moi. Regarde ton voisin, dit, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Non, non, dis-lui avec assurance, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Tu dois avoir une assurance, tu as un ADN spécial. Et dans la main du potier, tu seras en sécurité. Il dit, dans Psaume 139, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimé, tu dois reconnaître l'œuvre du divin potier. Si tu ne le reconnais pas, il ne pourra pas agir dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais amener chacun d'entre nous à reconnaître que tu n'es pas ici sur terre par hasard. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, même si tu n'as pas connu de père ou de mère, même si tu as été abandonné, tu es un orphelin, orpheline, je ne sais pas ta condition, veuve, veuve, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu accomplir le dessein de Dieu. Tu es comme Jephthé, on l'a appelé enfant bâtard, mais Dieu l'a appelé juge. Oh, je vois Dieu changer l'identité de quelqu'un, je vois Dieu à donner une nouvelle forme à la vie de quelqu'un. Et ce Dieu est tellement bon que tout ce qu'il fait est bon. Il ne peut jamais faire quelque chose de mal, de mauvais. Et dans ce que Dieu fait, il achève toujours. Regarde ton voisin, dit Dieu achève. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir des maisons qu'on a commencé à construire et puis les lézards habiter. Vous ne voyez pas ça en France, encore dans les pays développés. Pourquoi? Parce qu'il était sûr quand il a commencé, il va finir. Mais à un moment donné, Mpiaque est coti. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne peut jamais devenir Mpiaquer. Dieu a des ressources nécessaires. C'est-à-dire, avant de commencer, il sait qu'il a déjà la capacité de finir. C'est pourquoi Paul dit, ah, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est pour que tu le saches. Mais ça, dans son action, dans la manière dont il agit en tant qu'oméga et puis il revient dans le passé comme alpha. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre, c'est la copie conforme de ce qui est déjà calqué au ciel. Tout est déjà pur là-bas. Dieu connaît tout. Et il t'amène maintenant à vivre les choses. Il va achever. Oh, regarde ton voisin avec assurance. Dis-lui, il va achever. Dis-lui, il va achever. Dis-lui, il va terminer. Dis-lui, fais-lui confiance. Et ce que Dieu va te donner, personne ne peut te les ravir. C'est pourquoi ne sois pas jaloux comme les frères de Joseph. Ils ont voulu prendre ce que Dieu a donné à Joseph. Parce que Joseph a donné une vision. J'étais là, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. En fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que eux aussi, ils étaient des étoiles. Sauf que l'étoile de Joseph devait juste briller. Le problème est lequel? Tu regardes trop aux gens. C'est pourquoi tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette conférence, comprends, c'est une conférence du changement. Le changement doit commencer en toi. Sache que tu es aussi une étoile. Tu vas briller. Dieu va achever. Tu es unique, tu es spécial. Tu es une copie propre. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'était le plan parfait de Dieu, le rêve de Dieu. Et il lui a dit, domine. C'était ça la finalité. Domine. Et quand Dieu a créé Adam, c'était la perfection. C'était parfait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Adam a péché. Et c'est le péché, comme dans la première image, qui a fait que le premier vase a été cassé. C'est ça, au fait. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas seulement la rébellion contre Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de désobéir à Dieu. Mais le péché, c'est aussi le fait de manquer de cible, de but. Quand tu n'accomplis pas le but de Dieu pour toi sur la terre, tu pèches. Et le but d'Adam n'était pas accompli parce qu'il a péché. Et ici, dans la maison du potier, Dieu nous veut faire comprendre que même quand le premier vase a échoué à cause du péché, le potier a la puissance, la capacité de travailler encore le même argile pour donner une nouvelle forme. Beaucoup de gens restent dans la culpabilité. Beaucoup de gens restent dans le passé en fonction de ce qu'ils ont fait. Bien aimé, le péché amène toujours la mort et la rupture du premier vase. Mais Dieu dit à Jérémie, regarde, le premier vase a échoué, mais je veux prendre la même masse et je veux faire un deuxième vase. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, hier il y a eu des choses que tu as entreprises, ça n'a pas marché. Hier tu as pris des décisions qui n'ont pas été des bonnes décisions, ça a échoué. Hier tu t'es engagé dans des voies qui t'ont amené que dans le malheur, dans des problèmes, dans des difficultés. Hier, tu as péché contre Dieu, tu as vécu dans le péché, la débauche, l'impudicité, le vol, la masturbation, peu importe le péché dans lequel tu as vécu. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, il y a toujours un plan B. Avec Dieu, il y a toujours une seconde chance. Et pendant cette conférence, nous voulons parler du plan B de Dieu. Nous voulons parler de la seconde chance de Dieu. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu de ré. Dis avec moi, un Dieu de ré. Un Dieu de ré, un Dieu qui ne laisse pas l'échec devait rester échec. Il va prendre la même échec, le échec que tu as connu, et il va faire de toi maintenant un vase qui va réussir. Dieu est un Dieu de rétablissement, est un Dieu de restauration, est un Dieu de repositionnement, est un Dieu de résurrection. Oh, Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Le premier Adam est venu, terrestre a échoué. Il a dit, maintenant, je veux faire un deuxième. Je veux faire un deuxième Adam. Je veux faire le deuxième Adam. Le deuxième Adam n'est pas terrestre. Le deuxième Adam est céleste. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous dans le cortège céleste? Personne n'était capable de répondre à la question. Jésus dit, moi j'irai dans le rouleau du livre. il est question de moi. Je disais dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je vais, oh Dieu, pour faire ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est venu comme le dernier vase. Il est venu comme le dernier vase pour redonner la forme. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, oh, quelqu'un ne m'a pas compris, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un, je ne sais pas où, mais s'il est en Christ, pas dans une religion, pas dans une dénomination, pas dans un mouvement, mais en Christ, dans une relation de père à fils, de fils au père, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu annoncer à quelqu'un, ton passé s'arrête maintenant au présent car Jésus-Christ est là. Laissez-moi vous dire, dans la vie d'un homme, il n'y a que le passé et le futur qui sont, voilà, tu vis le présent. Et ce que tu vis au présent marque la fin de ton passé. C'est-à-dire même hier, si hier on t'a dit que ta famille, tu étais maudit dans ta famille, tu ne vas pas vivre jusqu'à la fin de l'année, dans ta famille, balokayo, oh, dans ta famille, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avancer. Dis, c'était hier. Quand Jésus est venu, il dira quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a mandaté, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, délivrer les opprimés. Et il dira pour annoncer une année de grâce, une année de faveur. Et puis il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Je ne te parle pas de demain, car ton demain commence aujourd'hui. Je parle à l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui avec Jésus, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui avec Jésus, tu deviens un nouveau vase. Aujourd'hui avec Jésus, quelque chose de nouveau commence. Touche ton voisin, dis-lui, aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Non, il t'a pas bien entendu. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence. Le potier a le pouvoir, non seulement de créer, mais il a aussi le pouvoir de recréer. Oh, merci Jésus pour cette conférence de récréation. Je suis venu te dire, le changement c'est possible, la transformation c'est possible. Il va te créer et il va t'emmener là où il est. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es.